Bonjour et bienvenue dans les chemins de la philosophie. Avant de reprendre l'antenne la semaine prochaine, nous vous proposons cette semaine de redécouvrir une série d'émissions consacrées au cinéma avec au programme Hitchcock, Visconti, Jacques Demy et Jean-Pierre Jeunet, c'est-à-dire Alien. Aujourd'hui, une chambre en ville de Jacques Demy. Mesdames et messieurs, voici Jacques Demy. Ma difficulté, c'est d'avoir toujours voulu essayer de faire des choses essentielles. Enfin, essentielles par rapport à moi, de me dire, si je ne le fais pas, c'est dramatique, je ne peux plus respirer. Imaginez, lors d'une manif, un affrontement entre CRS et manifestants qui soit entièrement chanté. Pour prendre un exemple proche de l'actualité, imaginez les forces de l'ordre faisant évacuer l'université de Tolbiac à l'aide d'un mégaphone qui viendrait magnifier les octaves chantées. Imaginez la voix des étudiants qui répondraient qu'ils sont tous ici pour défendre leurs droits et qui lanceraient au visage des policiers des slogans tels que « police, milice, flicaille, racaille ». Eh bien, imaginez cet affrontement entièrement chanté. Le résultat, c'est la première scène d'une chambre en ville de Jacques Demy, réalisée en 1982. Et la suite de l'extrait vous présente la colonelle Madame Langlois, qui observe la scène depuis la fenêtre de son appartement, et François Guilbeault, ajusteur-outilleur, qui manifeste et qui loue une chambre chez la colonelle. La lutte des classes en comédie musicale, ça donne ça. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous ne voulons pas d'incident. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Retirez-vous dans l'ordre et le calme. Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos femmes et pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Bon sang, bonsoir, ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles. Police, milice, flicaille, racaille. Dispersez-vous, retirez-vous, rentrez chez vous. Police, milice, flicaille, racaille. Ne vous approchez pas et ne protestez pas. Éloignez-vous, dispersez-vous, rentrez chez vous, ne vous insultez pas. J'aurais dû m'en douter. Ces petits paysans ont toutes les audaces. Et dire que j'ai la bonté de loger ça chez moi, un communiste en somme, quelle insolence. C'est vous, Guilbeault. Bonjour, madame. Quand perdrez-vous cette manie de claquer les portes? Excusez-moi, madame Langlois. Guilbeault, ne partez pas, j'ai à vous parler. J'ai très peu de temps. Soyez sans crainte, je serai brève. Vous manifestiez, dites pas non, je vous ai vu. Et alors quoi? Ça vous dérange? Ça me gêne, enfin les gens de l'immeuble parlent. Laissez-les parler. Vous comprenez, de son vivant mon mari. Le colonel n'aurait jamais toléré ça. Par ailleurs, je ne voudrais pas héberger un anarchiste. Mes opinions ne vous regardent pas. Vous savez, je paie ma chambre. Si mes idées vous déplaisent, je déménage. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bonjour Jean-Marc Lalanne. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis ravi d'être là. Ravi de vous accueillir. Vous êtes critique de cinéma, rédacteur en chef des Un Rock. Vous avez publié des ouvrages sur Gus Van Sant, Cocteau, Wong Kar-wai, Fantomas. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de Demy et de ce film, Une chambre en ville. C'est le film que vous avez tout de suite cité quand on vous a demandé de quel film vous vouliez parler. Mmh. C'est votre préféré? C'est peut-être pas mon préféré, mais c'est le premier que j'ai vu dans le présent de sa sortie, donc j'ai vu en salle de cinéma. En 82? En 82, voilà, j'étais adolescent et je connaissais déjà Jacques Demy parce que depuis vraiment la toute petite enfance, comme la plupart des Français de ma génération et même de générations postérieures, Podane et Les Demoiselles de Rochefort sont des films vraiment qui ont accompagné mon enfance de façon très intense. Mais Une chambre à ville, tout à coup, je découvre un film de Demy nouveau. Et c'est vraiment un choc absolu. Et d'autant plus fort que le film ne marche pas très bien. Il y a même une controverse qui accompagne la sortie du film. Donc, il y a presque une dimension politique, disons, dans une politique cinéphilique, mais politique quand même, de se dire, pour moi, le cinéma, c'est ça. Et donc, c'était un de mes premiers engagements très forts, c'est de me dire que j'étais vraiment dans la team Une Chambre en Ville. Ouais. Et c'est quoi ça? Le cinéma, c'est ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en voyant Une Chambre en Ville, même si j'avais une idée encore approximative des immenses difficultés qu'avait eu Jacques Demy pour monter le film, je savais que les très grands films très célèbres de lui datent des années 60 et qu'il avait traversé des années 70 très difficiles. Mais même sans savoir très précisément ça, en voyant le film, on sent une force d'entêtement, une capacité à arracher un projet à toutes les contingences matérielles du cinéma pour imposer ce qui est au plus près son désir. C'est ce qu'il exprimait dans la phrase qu'on a entendue au tout début. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de lui, sous une apparence extrêmement douce, parce que quand on voit Jacques Demy, il y a quelque chose de l'enfance, d'un enfant un peu poli et un peu triste qui émane de lui. Mais en fait, dans le travail, c'était vraiment quelqu'un qui avait du plomb, enfin qui était vraiment quelqu'un de fer, quoi. Sa volonté était immense, elle s'est souvent fracassée au réel, et Une Chambre en Ville, je sens que sa volonté est plus forte que le réel, et il impose en 1982 un film qui ne ressemble à rien de tout ce que le cinéma français de l'époque, voire même mondial, proposait, et qui est juste l'imposition de son désir sur le réel. Je suis arrivé à ce point absurde de me dire, bon, ben, je ne ferai rien d'autre que Une Chambre en Ville. Parce que ce film était indispensable, c'est vrai. Et je crois, il y a des gens qui l'ont détesté complètement, ce film. Il a dérangé, il fait mal, il a, d'autres l'ont adoré complètement, et le chante par cœur. Bon, c'est, tout ça, c'est très bien, et on a, je ne sais pas quelle ligne on suit comme ça. Moi, j'ai un instinct qui me guide ou qui me pousse, et c'est vrai que cette sorte d'indépendance, par exemple, de liberté, j'insiste beaucoup sur ce mot parce que, j'ai toujours eu cette impression d'être libre, mais quelquefois je n'arrivais plus à rien et ça m'est arrivé là pendant 5 ans, c'est vrai. Quand Demy sort Une Chambre en Ville en 1982, c'est quasiment 20 ans après qu'il ait eu pour la première fois l'idée de ce film, Jean-Marc Lalanne. Il essuie beaucoup de refus de la part d'acteurs avec lesquels il voulait collaborer, que ce soit Catherine Deneuve, Simone Signoret ou autres. Il fait quand même ce film envers et contre tout. Il a une idée très précise en tête sur laquelle il ne veut pas céder. Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'écran dès la première scène qu'on a entendue? Disons-le quand même, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ou c'est peut-être ceux qui l'ont vu et qui ont été un peu gênés, on voit des flics d'un côté, des manifestants de l'autre, qui, pour s'affronter, se mettent à chanter. Oui, parce qu'il faut dire qu'Une Chambre en Ville, comme Les Parapluies de Cherbourg, n'est pas une comédie musicale telle que Hollywood en a imposé les canons. C'est-à-dire que, plutôt comme dans l'opéra, le chant se superpose entièrement à la parole. Donc tout acte parlé dans la vie est chanté dans le film, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment une très grande minorité de films musicaux qui ont emboîté ce parti pris. Et donc dans les deux films, dans Les Parapluies et de manière encore plus violente dans Une Chambre en Ville, Demy décide de partir de la chose la plus improbable qu'on puisse imaginer chanter. Et donc dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est des hommes dans un garage en train de réparer une auto et qui le font en chantant. Et c'est encore plus incroyable dans Une Chambre en Ville, parce que la réalité décrite, donc une réalité sociale extrêmement violente, est vraiment de celle qu'on n'imagine pas du tout investie par les codes de l'opérette, même de l'opéra. Donc tout à coup, le CRS chante. Et il y a une volonté d'électrochoc et de dire, presque de défi aussi, sachant que ça faisait très longtemps qu'il voulait faire ce film. Donc il y a un côté vraiment what the fuck, quoi. J'y vais avec la convention la plus difficile à avaler, et je fais chanter un CRS dès le premier plan. D'autant que Demy était connu pour notamment Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg, où ceux et celles qui chantaient étaient habillés en bonbons acidulés avec des couleurs qui raccordent avec les papiers peints. C'est d'ailleurs aussi le cas d'Une Chambre en Ville, hein, ouais. pour beaucoup de robes. Mais là, tout d'un coup, ce sont des CRS et des manifestants. Il y a une dimension politique qui apparaît dès la première seconde, qui était moins présente dans les autres films. Je pense que le cinéma de Demy a toujours été politique, même si c'est de façon assez discrète. Mais dans Les Parapluies de Cherbourg, il est quand même question de la guerre d'Algérie, ce qui était vraiment une sorte d'impensé du cinéma français d'époque. Ça fait vraiment partie des très rares films qui font allusion. Son film tourné aux États-Unis, qui s'appelle Model Shop, c'est un film aussi où le personnage principal, qui est la suite de Lola, mais une suite totalement désenchantée. Et alors que les États-Unis l'ont appelé pour faire une comédie musicale, il a fait absolument l'inverse. Un film extrêmement moderne dans sa facture, très documentaire et qui parle sans détour de la guerre du Vietnam. qui est contemporaine au tournage du film. Et donc, moi, évidemment qu'Une chambre en ville est malgré tout le film le plus frontalement politique de Jacques Demy, et qui est inspiré de souvenirs biographiques, puisque lorsqu'il retournait à Nantes voir ses parents dans les années 50, donc en 1955, il y a réellement eu des grèves du secteur sidérurgique extrêmement violentes, des affrontements très brutaux avec la police. Et en fait, Demy, pour écrire le film, a superposé deux choses. Ses souvenirs de jeune homme de ses grèves, mais aussi les souvenirs, donc des souvenirs antérieurs à sa naissance. Donc on est fin des années 20, lorsque son père est arrivé à Nantes du tout petit village d'où il venait, et où il a été le sous-locataire d'une vieille aristocrate. Et donc il a croisé ces deux choses, la jeunesse de son père pauvre, hébergé par une aristocrate elle-même un peu déchue, dont est inspiré le personnage interprété par Daniel Darieux, et les grèves de 1955. Et effectivement, c'est dès la fin des années 50 qu'il a commencé à écrire là-dessus. Il voulait même en faire un roman, dont il a écrit 5 ou 6 chapitres, mais il a senti que le monde n'était pas prêt pour produire ce film-là dans les années 60, et il a fallu donc près de 20 ans pour qu'il puisse imposer ce projet. Et comment expliquez-vous que si peu de personnes l'aient suivi à ce moment-là, même Michel Legrand, qui avait collaboré pour ses précédents films musicaux, ne le suit pas pour ce script? Oui, alors là c'est un peu une hypothèse, mais moi j'ai l'impression que c'est ce caractère très politique du film qui a gêné Michel Legrand, d'après différents témoignages que j'ai pu avoir. Je crois que peut-être pour des raisons politiques personnelles, pour les propres points de vue politiques de Michel Legrand, et aussi parce qu'il avait le sentiment que le cinéma de Jacques Demy, qui percevait comme léger, comme lié aux choses du sentiment, n'était pas propre à traiter ces sujets-là. Il a préféré passer la main, et je pense que ça sert le film, parce que la composition de Michel Colombier, moi, je la trouve éblouissante, et je pense qu'elle amène une énergie nouvelle au cinéma de Jacques Demy, quelque chose de plus brutal, de plus moderne aussi peut-être, qui donne quelque chose de très singulier à Une chambre en ville. Oui, c'est sans doute son film le plus violent, qui laisse s'exprimer des sentiments qui sont parfois inavouables tellement ils sont violents, ce qui conduit à des, alors sans tout révéler dès à présent de la fin du film, mais une sorte d'absolu, d'inconditionnel dans les sentiments qui conduit au pire drame. Vraiment parler d'un drame lyrique pour ce film, c'était les mots de Demy. Mais il le fait en 82, c'est ça qui est étonnant. C'est que si Demy lui-même veut régler ses comptes avec la bourgeoisie, alors que dans les années 60, mai 68, etc., il fait Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg, il attend 20 ans avant de faire Une chambre en ville, où là, il fait s'affronter directement de classe sociale. Oui, bon, en 68, en fait, pendant qu'il se passe en France les événements de 68, lui, il est aux États-Unis, il tourne Model Shop, qui, comme je l'ai dit, je pense un film vraiment assez politique, et pour le coup, il est totalement synchrone, à la fois de la contre-culture, mais aussi de la protestation de la jeunesse du monde de 68. Et je pense pas du tout qu'on puisse taxer le cinéma de Jacques Demy de conservatisme. Enfin, je pense qu'il non, mais de bourgeois, peut-être. C'est pas mon avis, en tout cas. En tout cas, lui, il apprend directement la question dans ce film, mais c'est ça qui est intéressant. Je pense que dans Les Parapluies de Cherbourg, il y a vraiment une critique des conventions bourgeoises. Enfin, très très clairement, le personnage de la mère et le personnage de Catherine Deneuve sont vraiment condamnés comme inaptes à aimer, qui passent à côté de leur vie et de l'amour parce qu'elles sont bourgeoises, parce qu'elles se raccrochent à un confort matériel qui finalement va les faire passer à côté de la vie. Et je pense que il y a toujours eu vraiment la conscience que la bourgeoisie était mortifère chez Demy. Alors effectivement, tout à coup, ce qu'il traite dans le film, c'est effectivement la dimension de conflit et de lutte des classes qui était peut-être présente de façon plus larvée dans Les Parapluies ou dans ces films des années 60. Mais moi, ce que j'adore dans le film, c'est effectivement sa férocité. C'est-à-dire que il y a vraiment une sauvagerie. Les personnages se parlent mal. Il y a des mots extrêmement triviaux comme tu me prends pour une conne, tu fais ta pute. Enfin, il y a vraiment une brutalité dans le langage, dans les comportements. On a le sentiment de voir un monde d'animaux. D'ailleurs, Dominique Sanda porte une fourrure sur elle. Et les personnages, que ce soit Darieux dans son appartement ou Michel Piccoli dans cette espèce de grotte qui est sa boutique de télévision, ne cessent de tourner. Ils tournent vraiment comme des fauves en cage. Et cette dimension d'extrême cruauté, d'affrontement sauvage, de personnages, de figures même, qui vont s'entre-dévorer, c'est ce qui donne au film sa très très grande puissance et qui déborde même la question, je pense, de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'il y a une dimension politique, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de naturalisme plus profond, où il filme, disons, des pulsions élémentaires qui dépassent même tout socle social. Il filme vraiment quelque chose d'archaïque et de violent, qui est la dévoration des hommes entre eux. Et qui parfois s'en remet entre les mains de la superstition. On a beaucoup dit cette semaine que Demi était le cinéaste du hasard, celui qui filmait ses rencontres qui se jouaient à une seconde près, une histoire d'amour qui commence ou au contraire qui n'aura pas lieu parce que les deux individus se ratent à une seconde près. Dans une chambre en ville, un des personnages principaux, Edith, qui est la fille de la colonelle qu'on a entendue au début de cette émission, va voir une cartomancienne qui lui prédit l'avenir. Donc, et finalement, tout ce que la cartomancienne dit va s'avérer vrai. On a ici un autre registre du film, on a abordé celui de la lutte des classes, de la bourgeoisie. Il y en a ici l'histoire d'amour qui va commencer alors qu'elle n'a pas encore rencontré cet homme, mais comme si, c'est comme si tout était déjà écrit. Écoutez l'extrait. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien lui qui revient. Le métallurgiste. C'est lui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est merveilleux. Mais, chut, ne dites rien. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'aime pas ça. Madame Sforza, je vous en prie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'autre. Edmond. 1, 2, 3, 4, 5. C'est grave, n'est-ce pas? Il faut vous méfier terriblement. Mais que dois-je faire? Je viens de vous le dire. Je se taire. Et voilà, alors que le jeu commençait à révéler quelque chose, il finit par se taire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Jacques Demy cette semaine et aujourd'hui d'Une chambre en ville, le film qu'il sort en 1982 en compagnie du critique de cinéma Jean-Marc Lalanne. L'extrait que l'on vient d'entendre pour resituer les choses. Edith est donc la fille de la colonelle, Madame Langlois, interprétée par Daniel Darieux, qui loue une chambre à François Guilbault, interprété par Richard Berry. Edith n'habite plus chez sa mère. Interprétée par Dominique Sanda. Voilà, exactement. Edith, Dominique Sanda, vous faites bien de le dire. Et donc, non pas Catherine Deneuve, comme l'avait souhaité Jacques Demy, parce qu'elle ne voulait pas se faire doubler en chantant. C'est exactement. Ça donc, du coup, c'est Dominique Sanda. Et Gérard Depardieu devait jouer Guilbault, et il a quitté le projet en même temps que Deneuve. Voilà, donc bouleversement au sein des acteurs, mais enfin, on ne peut pas dire qu'on a des acteurs de seconde classe dans ce film quand on le regarde. Moi, je reste quand même très, très curieux du film. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer. C'était aussi Isabelle Huppert qui aurait joué Violette. Et je suis quand même un peu inconsolable de ne pas voir ce film, même si j'adore celui-là. Il y a quelque chose à faire derrière avec ça, c'est vrai. Et donc, Edith va voir cette cartomancienne. Et alors là, on a une autre dimension du cinéma de Demy qu'on retrouve dans tous ses films. La rencontre entre la certitude d'une fatalité, d'un destin, et le hasard et les imprévus qui viennent sans cesse remettre en question ce destin. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Edith. La cartomancienne lui dit surtout n'y allez pas, ça va être très dangereux. Elle rencontre Guilbault, elle fonce tête baissée, elle tombe radicalement amoureuse de lui à la première minute où elle le voit. Oui, effectivement, il y a sans arrêt des avertissements, elle va tous les ignorer et foncer tête baissée vers son destin. Cette scène dont on a entendu un extrait, ce que je trouve touchant de manière un peu secrète, c'est que j'ai l'impression que c'est une des rares allusions du cinéma de Jacques Demy à celui d'Agnès Varda. Parce que 20 ans plus tôt, dans Cléo de 5 à 7, Cléo, qui était donc une chanteuse qui attendait des résultats médicaux qui peut-être allaient lui annoncer qu'elle avait une maladie très grave, à un moment donné, allait voir une carte ancienne, et la cartomancienne, de la même façon, le jeu disait que des choses très graves pouvaient arriver. Et dans le jeu d'Agnès Varda, finalement, il y avait un salut qui était possible, alors que tout ce que la cartomancienne voit, et on peut même imaginer qu'elle en voit plus que ce qu'elle ne dit. Très clairement, lorsqu'elle dit le jeu se tait, on peut penser qu'elle a tout vu, qu'elle sait tout, mais qu'elle veut épargner Dominique Sanda et qu'elle ne lui dit pas ce qu'elle sait. Donc à l'inverse de la scène de la cartomancienne de Cléo de 5 à 7 où le sort allait être déjoué, ici le sort va être absolument va se dérouler tel qu'il avait été prévu. Mais ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, il y a une dimension d'ironie très présente dans le film qui est une des choses que je préfère dans le film, c'est qu'il est à la fois totalement lyrique, totalement premier degré, qui vise une émotion extrêmement organique, et qu'en même temps, il est toujours dans une ironie presque folle, où il ne cesse de vouloir... L'émotion est intensifiée par la dimension de rire cruel, qu'il y a tout au long du film. Et ce qui a une des choses que j'aime beaucoup, c'est la manière dont les personnages eux-mêmes ne sont pas dupes du scénario et ne cessent de le commenter. Par exemple, Daniel Darieux dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette farce ?» Ou Dominique Sandal lui dit « Mais ne fais pas de mélodrame !» Alors que précisément, le film emprunte tous les codes du mélodrame. Et donc, il y a une dimension critique du scénario même par les personnages qui est incessante et qui est une des beautés paradoxales du film. C'est aussi une manière pour Demi de revendiquer la dimension de tragédie de son film. C'est-à-dire pas simplement la dimension tragique, qui est une tonalité qu'on donne à un film, mais de tragédie au sens classique du terme. Il y a une exposition, il y a la suite des événements, et puis un dénouement qui est forcément tragique, et là pour le coup au sens vraiment premier du terme. Et ça, Demi joue avec cette idée-là. C'est que d'un côté, il y a une dimension très classique, et de l'autre, c'est avec, dans un climat complètement contemporain, avec des personnages qui revendiquent tous leur liberté, mais qui n'y arrivent pas. Oui, le film, la fin du film est même, ressemble à la scénographie d'une tragédie antique. Oui. Il y a vraiment un cœur, tous les personnages sont rejetés de l'action, et sont comme des témoins muets, vraiment à l'identique du cœur dans la tragédie antique, et regardent, est-ce qu'on peut spoiler, est-ce qu'on dit comment ça se termine? Oui, ben là, prévenons les auditeurs, de toute façon, on va aller jusqu'au bout ensemble de l'émission, donc du film, donc oui. Donc voilà, les deux personnages meurent, et tous les autres personnages secondaires du film créent une sorte de demi-cercle autour d'eux, et de manière totalement improbable psychologiquement, ils ne font rien pour empêcher le suicide de Dominique Sandal. À un moment donné, Darieux esquisse un parle, lui touche l'épaule, mais elle va laisser sa fille se suicider sous ses yeux. On est vraiment dans un espace qui est celui des conventions du théâtre antique. Si on avance un petit peu dans le film, là, il faut que deux personnages se rencontrent, puisqu'ils l'ont déjà fait, mais à travers l'imagination du spectateur. Il s'agit donc d'Edith et de Guilbeault. Leur première rencontre est complètement dingue, parce que Dominique Sanda, qui se promenait jusque-là avec une fourrure sur le dos, une fourrure qui lui recouvre jusqu'à mi-mollet, je crois, quasiment, eh bien, va ouvrir son manteau alors qu'elle voit Guilbeault. Dominique Sanda, Edith est donc mariée à Edmond, qu'elle déteste, qui est interprétée par Michel Piccoli, qui est un homme très jaloux, avare, qui lui parle très mal, elle est malheureuse. Et on se découvre à ce moment-là qu'elle est sans doute en train de faire le tapin, enfin, que ça devient une prostituée. Et de cette rencontre va naître une histoire d'amour fabuleuse. Là, on a vraiment comme deux trajectoires qui se croisent, comme par hasard, alors qu'on se dit que tout était nécessairement prévu d'avance. Et oui, c'est tellement prévu d'avance qu'en fait, ils s'étaient déjà croisés sans se voir lorsque François Guilbeault, qui est donc le sous-locataire de la mère d'Edith, sort de l'immeuble de sa logeuse. En fait, il y a un très très beau travelling qui perd François Guilbeault et qui attrape au vol Edith qui, elle, rentre chez sa mère. Et donc, déjà, la caméra crée une sorte de nœud et anticipe ce qui va être leur première rencontre consciente, qui est donc la nuit dans la rue lorsque Guilbeault erre. Et tout à coup, il voit cette prostituée absolument capiteuse avec un manteau en fourrure et qui est nue dessous. Elle dit d'ailleurs à un moment donné, lorsque son mari lui reproche de se balader nue sur son manteau, elle lui dit « Mais je n'ai rien à me mettre parce que tu ne demandes pas d'argent. » C'est l'espèce de frivolité et de fantaisie qu'il y a toujours chez Demi. Et donc, elle lui fait une proposition sexuelle. Le sexe et l'argent, c'est très important dans ce film et beaucoup plus prégnant que dans tout le reste de l'œuvre de Demi. C'est-à-dire que il y a quelque chose de contractuel dans le rapport de tous les personnages. Guilbeault et la baronne ne cessent de parler de l'argent de cette chambre en ville, que Guilbeault ne peut pas lui payer, et Darieux le réclame. Il y a l'argent que Dominique Sanda parfois vole dans la caisse de son mari, l'argent qu'elle jette à la figure d'Edmond. Il y a l'argent de la prostituée. Qui, finalement, ceux qui vont réussir à sortir d'une relation d'argent, c'est Guilbeault et Edith, parce que alors que Guilbeault n'a pas d'argent, Edith va accepter de faire l'amour avec lui gratuitement. Elle dit « Tu sais, l'argent, je m'en fous ». Voilà. Elle dit à un autre moment... lorsque Berry lui dit « Tu n'es pas une vraie pute », elle dit « Je ne travaille qu'à mi-temps », ce qui est aussi l'humour de Jacques Demy. Demi-temps, oui, c'est ça. On a beaucoup de jeux de mots à faire avec le mot de Jacques Demy. Cette rencontre est un coup de foudre entre Edith et Guilbeault, ce qui donne lieu à une chanson magnifique, très sentimentale et très, très intense, où ils se déclarent leur amour mutuel après avoir passé une nuit dans les bras l'un de l'autre. Lorsque Edith va rentrer chez son mari, on va entendre la scène. Là, pour le coup, Edmond va être absolument paniqué. Il comprend qu'il a perdu sa femme. Et arrive une scène d'une d'une grande violence. On découvre un Michel Piccoli quasiment méconnaissable d'ailleurs, qui dans son personnage frôle la caricature, mais ça fonctionne quand même. En fait, tout le film est... Toujours, on se demande s'il bascule pas trop vers la caricature et vers le kitsch. Son d'outrance, très, oui, très c'est fort. Ça. Et mais ça, pour le spectateur a vraiment peur à ce moment-là de cette scène. Il est effrayant, Piccoli. Effectivement, il est méconnaissable parce qu'il est roux. Et donc je pense que c'est le roux, c'est conventionnellement une figure diabolique. Il a tout le temps un fer à souder, comme un peu Vulcain dans sa forge. Enfin, il y a vraiment une dimension mythologique. On va sous terre pour aller chez lui, puisqu'on emprunte le passage Pommeret et qu'il est à l'étage inférieur du passage Pommeret. Le passage Pommeret, c'est un célèbre passage à Nantes qui revient dans beaucoup de films, voilà, de Demy. Et qui était absolument radieux, et le lieu de l'embrassement amoureux dans Lola, et qui là devient vraiment une métaphore qu'on de l'enfer. Parapluies. Et qu'on revoit dans les parapluies en flashback. Et donc là, toute sa dimension féerique de Lola est convertie vers quelque chose de très très sombre. On a l'impression qu'on est sous terre, qu'on est un enfer et que Piccoli, c'est le diable. Et vous parliez du jeu de Piccoli. Ce que je trouve vraiment génial dans ce que fait Piccoli, c'est qu'il joue comme dans un film muet. Il est le seul à prendre acte du fait que ce n'est pas sa voix, puisqu'à l'exception de Darieux, qui était une vraie chanteuse, tous les acteurs sont doublés, mais tous les acteurs essaient quand même d'intégrer cette voix qui n'est pas la leur et de jouer avec de manière réaliste. Piccoli, pas du tout, et donc ça donne quelque chose de très étrange. Il joue vraiment comme un acteur du muet. Tous les sentiments sont exprimés par son visage, par ses gestes, qui sont presque de l'ordre de la pantomime, et on a presque l'impression que cette voix, et puis la voix de Piccoli, on la connaît vraiment très bien, on voit bien que c'est pas sa voix, elle est vraiment comme un corps étranger, ce qui décuple la dimension un peu effrayante et pathétique, parce que ce personnage va aussi très très loin dans l'auto-humiliation du personnage d'Edmond. Et au moment où il ferme la porte à clé quand Edith est rentrée pour reprendre de l'argent, la clé, il la met dans sa poche, et plus tard dans la scène, et on va l'entendre tout de suite, vous allez entendre un bruit de chasse d'eau, c'est parce qu'il met la clé dans les toilettes et qu'il tire la chasse pour qu'elle ne s'en aille jamais. Et on voit ici comment la rencontre du plus tragique et du plus trivial fait le sel de ce film. Écoutez la scène. Inutile, Edmond, de fermer à clé. Je ne fais que passer. Tu te trompes, ma jolie. Tu ne sortiras pas. Je suis revenue pour prendre mes affaires. J'oublie ce que tu m'as fait. Je passe l'éponge. J'efface. Je ne te demande même pas où tu étais. Tu vois, je ne suis pas jaloux. Mais tu ne veux pas comprendre. Edmond, c'est fini. Je ne t'aime plus. Et je veux divorcer. Non, nous allons reprendre notre vie commune. Nous serons heureux comme avant, mieux qu'avant. Tu as tort, tu devrais vraiment me prendre au sérieux. Mais je suis sérieux, je ne plaisante pas. Je vais même te le prouver, parce que je ne triche pas. Edmond, que fais-tu ? J'ai fermé la cage, l'oiseau ne s'envolera plus. Tu es complètement fou. Tu ne me quitteras pas. Tu me connais mal. D'ailleurs, si tu partais, tu serais très malheureuse. Tu le regretterais toute ta vie. Pousse toujours mon bonhomme, ma décision est prise. Edmond, Edmond, ne fais pas ça. Remets ce rasoir dans ta poche. Tu as peur, ma belle. Tu vois maintenant que je suis très sérieux. Je sais que tu as peur, tu n'oses pas tirer. Regarde, ta main tremble. Non, je ne tremble pas. Edmond, Edmond, méfie-toi. Mon bel amour, ma jolie pute. Je t'aime comme tu es, je t'aime comme un fou. Je t'en prie, arrête ce cirque. Je tire si tu n'arrêtes pas. Ma putain, moi. Arrête, tais-toi, tais-toi. Mais tais-toi donc. Edith, tu es à moi. Je t'en supplie, arrête. Edith, tu m'appartiens. Et tu ne m'oublieras plus. Peut dire ce qu'on voit à l'écran à ce moment-là, Jean-Marc Lalanne. On voit une sorte de travelling circulaire extrêmement heurté, chaotique, dans lequel Michel Piccoli s'égorge sous les yeux de sa femme, et il y a une giclée de sang. Se tranche la gorge. Se tranche la gorge. Avec un rasoir. Absolument, avec un rasoir. Et le visage de Dominique Sanda va être éclaboussé par le sang de son mari qui se suicide devant ses yeux. Et c'est ce que signifie « et tu ne m'oublieras pas », c'est-à-dire qu'il veut la hanter pour toujours. C'est ça, il veut arrêter l'espèce de suspension. Enfin, il veut suspendre le temps, justement. Il Exactement. Veut plus que le temps lui échappe, et donc qu'Edith lui échappe. C'est-à-dire que la seule issue possible, c'est la mort. Et ça, on le sait d'emblée, en fait, à partir de cette scène. Oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire que la phrase des Parapluies de Cherbourg, qui est « Je ne pourrai jamais vivre sans toi », que dans le film dit Piccoli, mais que dit aussi Dominique Sanda à la fin. En fait, les personnages des Parapluies de Cherbourg vont réussir à vivre l'un sans l'autre, alors qu'ils se disent ça sur le quai de la gare. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est tout à fait possible. Et c'est peut-être ça qui est très triste, que finalement, ils y arrivent. Alors que d'une certaine façon, dans Une chambre en ville, ils ne pourront pas vivre l'un sans l'autre, puisque Piccoli se suicide, Dominique Sanda se suicide. Mais je pense que dans la perception du monde extrêmement torturé de Jacques Demy, c'est finalement ça qui est une issue plus heureuse, en fait. Que par la mort, en fait, que ce soit vrai, que cette phrase-là soit vraie, qu'on ne puisse pas vivre l'un sans l'autre, et que du coup, la réponse, c'est la mort. C'est une réponse tragique, mais en tout cas, c'est moins triste et moins déflationniste que la morne vie bourgeoise des amants séparés des Parapluies de Cherbourg. Parce oui, c'est lyrique. C'est ça, la fin des Parapluies de Cherbourg. Les deux personnes qui s'aiment ne vivent pas l'une avec l'autre. Elles ont chacune refait leur vie. Et on se demande... voilà, ils n'ont plus rien à se dire, ils se retrouvent. Ça. Et c'est d'une tristesse infinie parce que... c'est pire que de donner la mort, serment, en fait. Voilà. C'est ça. Alors que dans la mort des amants, l'une se suicidant pour rejoindre l'autre, il y a quelque chose de totalement exalté. Vous qui connaissez ce film par cœur, j'imagine, Jean-Marc Lalanne, vous pourriez chanter avec tous les personnages, non ? Oui, mais je chante faux. Oui, vous n'aimerez pas le chanter, rassurez-vous. C'était plutôt pour commenter cette expérience qui est d'écouter un film. Parce qu'un film se voit ici, les auditeurs n'ont pas l'image, même si on le décrit. Demy, non seulement parce que c'est chanté, mais aussi sans doute parce qu'il y a quelque chose avec les bruitages, mais ça s'écoute très bien à la radio. Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, à l'époque où c'était moins facile d'avoir les films, il n'y avait pas de DVD par exemple, j'avais pas tout le film en VHS, mais j'avais les CD. Et donc, les Parapluies de Cherbourg, je l'ai d'abord connu par cœur, par les dialogues, avant de le revoir finalement très très souvent. Mais c'est des films qu'on connaît par cœur aussi. C'est la même chose pour Les Demoiselles. C'est des films qu'on peut connaître par cœur en les récompensant mentalement par le souvenir. Et ce que j'adore dans Une chambre en ville, c'est le travail de bruitage réaliste qui parfois est minutieux, tatillon et du coup presque ironique. C'est une manière de tailler, de creuser des petites entailles dans cette convention opératique. C'est-à-dire que par exemple, les personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué, se raclent sans arrêt la gorge. Il y a plein de petites choses comme ça réalistes. Il y a sans arrêt des bruits de sonnettes, des claquements de portes, des grincements de plancher qui fait que comme le sublime la chasse de la musique, voilà, évidemment le plus trivial étant la chasse d'eau, où tout à coup le grandiose est sans cesse entaillé par du trivial, du prosaïque. Et ce bruitage réaliste a cette fonction-là, avec un détail que je trouve moi absolument sublime, qui est que lorsque Dominique Sanda revient chez Edmond, donc au début de la scène qu'on vient d'entendre, lorsqu'elle descend les escaliers qui vont la mener à la boutique de télévision d'Edmond, on entend ses talons claquer très violemment comme dans un film noir. Ça fait presque peur, quoi, d'entendre dans cette grande galerie marchande vide ce claquement de talons. Mais lorsqu'elle s'échappe et qu'Edmond est mort et donc elle est libre et que plus rien ne s'oppose à son amour avec François, il n'y a plus aucun bruitage. C'est comme si Piccoli lui a dit l'oiseau ne pourra plus s'envoler, mais justement on n'entend plus le bruit de ses talons sur le sol lorsqu'elle remonte les marches pour partir, comme si elle était libérée d'un poids, libérée d'une culpabilité qui fait qu'elle s'envole et que littéralement elle ne touche plus le sol. Et cette petite idée qui est d'avoir bruité son arrivée mais pas son départ, moi c'est le genre de petites choses fétichistes qui me ravissent au plus haut point. Et ça, c'est une décision de Demy? Alors j'ai aucune information là-dessus, hein. J'ai juste observé et interprété, mais oui, je pense que c'est évidemment une décision de Demy de dramatiser l'usage du sang. Ouais. On parlait au début du film de la dimension politique surprenante de ce film quand on ne l'a pas vu, qu'on le regarde et qu'on connaît les autres Demy. On est très surpris de voir qu'il filme une manifestation avec des policiers en train de chanter et que tout de suite la lutte des classes apparaît entre la colonelle et son locataire qui est donc Guilbeault. Demy lui-même disait qu'il voulait pas faire un film politique, ce sont ses paroles, hein, qu'il voulait faire un film, un opéra populaire. Opéra, ça c'est sûr, populaire, il le souhaitait. Mais on va entendre un autre extrait qui montre comment lui-même joue avec cette dimension politique, parce qu'il fait dire à Daniel Darieux, donc la colonelle, qui noie son désespoir dans l'alcool et qui est complètement bourré pendant une scène. Et le terme bourré arrive, c'est pour ça que je me permets de l'employer. Et ben, elle raconte elle-même l'incarnation de la bourgeoisie aux yeux de Guilbeault, décrit son propre rapport à la bourgeoisie et sous l'effet de l'alcool, ça devient très drôle, écoutez. Vous avez bu ? Moi, non, pas vraiment. Edith n'est pas là. Elle n'est pas rentrée. J'ai tout fait pour la retenir, pour l'empêcher de commettre cette effroyable bêtise. Mais quelle bêtise ? De quoi parlez-vous ? Ma fille, une criminelle, il ne manquait plus que ça. Mais où est-elle ? Partie voir Edmond, elle est allée se jeter dans la gueule du loup. J'y vais. Guilbeault, je vous interdis. vous ne faites pas encore partie de la famille. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Merci, Bilbo. Tenez, prenez un verre avec moi. Je suis sûre que ça vous remontera le moral. Vous avez assez bu comme ça? Vous ne voulez pas, mon cher? Tant pis pour vous. Mais vous êtes déjà complètement bourré. Votre langage m'amuse, Bilbo. Bourré, où allez-vous chercher tout ça? Eh bien, mon cher, à votre santé. Ça vous épate, la bourgeoisie qui, comme moi, s'envoie en l'air. Moi, Guilbeau, vous savez, j'emmerde les bourgeois. Je ne leur appartiens pas, je vais même vous faire un aveu. Je vous aime mieux que tous les bourgeois. Vous et les vôtres, vous vous battez pour quelque chose. Vous, vous vous battez pour survivre comme moi. Les bourgeois, eux, pourrissent avec leurs biens. Ils croupissent dans le confort de leurs habitudes. Mais moi, je vous jure qu'ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Alors, c'est très cocasse d'avoir cette bourgeoise qui dit que les bourgeoises ne l'auront pas, Jean-Marc Lalanne. Oui, d'abord, ça dit qu'il y a une volonté de complexité dans la construction de tous les personnages. Et le personnage d'Adèle Darrieux, qui est d'abord présenté comme celle qui est la gardienne absolue des conventions, qui ne s'exprime que par expression toute faite, généralement très bourgeoise, comme vous ne faites pas encore partie de la famille, en fait, est alcoolique. Et elle ne se vit comme elle-même un peu punk. Mais je pense que il y a une stratégie à l'œuvre dont le personnage n'est pas tout à fait conscient, qui est qu'elle éprouve un désir sexuel très fort pour François Guilbeau. Ce qu'on comprend tout de suite d'ailleurs. Hein. Oui, tout de suite, effectivement, dès que elle s'énerve, elle perd son sang-froid à chaque fois qu'elle imagine qu'il pourrait ramener une fille dans la chambre. Enfin, dès qu'il est question de la sexualité de Guilbeau, elle s'énerve un peu, comme si effectivement ça la rendait folle et qu'elle elle le désire très très fortement. Et elle essaie régulièrement, en lui offrant des cigarettes, d'établir entre eux une connivence qui culmine dans cette scène où en fait elle essaie inconsciemment de prendre la place de sa fille qui est réellement un personnage en rupture de banc, un personnage de déclassé, ce que Adèle Darrieux n'a jamais réussi à être, mais tout à coup elle singe ça dans une stratégie de séduction du personnage de François Guilbeau, qui de fait sans être émoustillé sexuellement, on peut l'imaginer, mais malgré tout est très charmé par ce numéro très fantaisiste, sublimement porté par Adèle Darrieux, qui est une immense actrice, et dont là c'est vraiment un de ses plus beaux rôles, enfin elle est vraiment géniale de bout en bout Darrieux. Et la chanson qu'on vient d'entendre détonne complètement avec le reste des mélodies du film. Hein. Absolument, mais ce que je trouve très curieux, enfin c'est-à-dire que à l'intérieur du film, Michel Colombier a écrit une sonate qui, alors que tout ce qu'on entend dans le film est une sorte de musique de fosse que ne sont pas censés entendre les personnages, c'est une musique conventionnelle d'opéra, extra-diégétique, il y a une sonate que Adèle Darrieux joue dans le film en disant que c'est la sonate qu'elle jouait pour son mari, le colonel, qu'il aimait beaucoup. Donc c'est du piano que sont censés entendre les personnages et Demy, qui adore compliquer les dispositifs déjà très complexes qu'il met en place, introduit de la musique dans la musique, et alors que cette musique est introduite comme une musique d'écran et pas une musique de fosse, tout à coup, la chanson par laquelle elle s'exprime est calée sur cette sonate qu'on a... C'est un peu complexe. Hein, non, c'est tout à fait clair, c'est passionnant. Cette sonate qu'on l'a d'abord entendue jouer et que les personnages entendaient. Donc, ce parti pris un peu délirant consiste à... Disons, il met en abîme de la musique dans la musique, comme si c'était pas déjà assez compliqué de voir des grévistes chanter. Mais voilà, est-ce que c'est la complexité qui l'intéresse ou est-ce que parce que la forme chantée permet quelque chose que la forme parlée n'aurait pas permis? La question se pose chez Denis. Pourquoi est-ce qu'il les fait chanter? Pourquoi est-ce qu'il veut faire de l'opéra et pas simplement du cinéma? Je pense que tout le monde, vu là, on peut mettre en parallèle la couleur et le chant. C'est une sorte d'embrasement de la matière qui compose un film pour aller vers un maximum de lyrisme. C'est-à-dire qu'il passe de la parole au chant pour atteindre une sorte d'incandescence du sentiment. Et de la même manière, chez Demy, la couleur est plus importante que la forme. C'est-à-dire que le coloris est plus important que l'objet qu'il colore. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est moins un pull jaune que du jaune. Enfin, il y a une forme d'expression attraction par la couleur chez Demi, une couleur un peu carnivore d'ailleurs. Mmh. Michel Pegoli est habillé en vert comme la couleur dominante de son atelier, Dario en rouge comme dans son salon. Donc c'est à la fois, ça a une valeur thématique, c'est-à-dire que c'est des personnages bourgeois qui sont avalés par le théâtre social que constitue leur appartement, mais c'est aussi ce désir d'un cinéma où la couleur serait comme une force d'embrasement qui arracherait le cinéma à la représentation platement naturaliste de la vie. Et la Violette dont on a peu parlé, Violette qui est la première qui est amoureuse, en violet. Voilà, c'est ça, qui est amoureuse en violet, vraiment en petite fille. D'ailleurs, deux mots sur Violette et sa mère. Donc Violette est la compagne ou l'amoureuse de Guilbeault avant que celui-ci ne rencontre Edith. Les rares scènes qu'il y a entre Violette et sa mère renvoient directement, pour le coup, s'inscrivent dans l'héritage des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort, à savoir ces relations mère-fille ou une sorte de sortie de l'innocence et la femme qui va... Oui, avec ce goût du cinéma de Demi pour les personnages de mères célibataires. Et il y a une sorte de fatalité qui fait que les filles deviendront elles-mêmes des mères célibataires. Il y a quelque chose qui se reproduit à travers les générations de femmes seules qui élèvent des filles. Et d'ailleurs, Jacques Demy lui-même a épousé une mère célibataire qui était Agnès Varda, qui avait déjà un enfant lorsqu'il l'a rencontrée. Donc je pense que c'est un écho très très fort dans sa psyché. Mais le personnage de Violette, je l'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui est quasiment féministe. Au départ, on peut l'envisager comme un symbole un peu mièvre de pureté de jeune fille. Et en fait, il y a une sorte d'empowerment. Et alors que Guilbeault, qui est présenté d'abord comme un héros, s'avère assez lâche, assez vole. Il va pas réussir à lui dire tout à fait qu'il a une maîtresse, elle qui va lui arracher les mots. En fait, bon, c'est en 24 heures, hein, quand même. Le film dure. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de temps non plus. Moi, je trouve quand même qu'il n'est pas d'un courage exceptionnel quand il, dans sa manière d'annoncer ça à Violette. Et Violette, en revanche, je la trouve d'une force morale extraordinaire dans la manière dont elle décide de le rayer de sa vie. Alors qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'elle est enceinte de lui et qu'elle imagine qu'elle élèvera cet enfant seule. Elle, tout à coup, est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et d'un personnage de femme forte. Et c'est la seule qui dit d'ailleurs « Je suis heureuse ». Oui, exactement. Ouais. C'est ce qui est vraiment paradoxal. Une phrase qu'on entend rarement d'ailleurs dans les films de Demi. Puisque nous sommes dans les relations mère-fille, voici un autre extrait, cette fois toujours de la colonelle et d'Edith, qui donne lieu à une réplique mémorable que vous avez prononcée tout à l'heure, Jean-Marc Lalanne, mais je ne vais pas la redire intentionnellement pour que les auditeurs la retiennent. Alors là, on est dans une... Enfin, elles sont dans l'appartement de la colonelle. Edith veut revenir pour prendre ses affaires et elle parle de son amour pour Guilbeault. Il y a la préfiguration du suicide qui arrive, qu'on entendra plus tard, mais d'abord écoutez cette scène. Où vas-tu? Dans ma chambre. Mais ce n'est plus ta chambre, c'est la chambre de Guilbeault. Et alors? Je m'en fous. Je veux revenir vivre ici. Avec Guilbeault. Oui. Tu ne t'imagines pas que je vais vous supporter tous les deux. Avec l'autre qui veut vous tuer. Et moi par-dessus le marché. Tu refuses de me protéger, désemparée, menacée, traquée, persécutée. Tu oserais nous jeter à la rue, mon amant et moi. Alors tu avoues, je ne t'ai rien caché. Où l'as-tu rencontré? Dans la rue, pourquoi ça? Depuis quand le connais-tu? Ça ne te regarde pas. Je préférerais te donner la chambre de Philippe plutôt que de vous savoir sous mon toit dans le même lit. D'ailleurs, je le mets à la porte. Alors nous partirons tous les deux. Tu n'as pas compris que je l'aime. Tu ne sais donc pas ce que c'est que l'amour. Tu me prends vraiment pour une conne. Et la passion et l'obsession. Tu parles. Plus rien ne compte, plus rien n'a d'importance. C'est la première fois que j'aime. Comme les mots paraissent vides. Pour exprimer des sentiments si forts. J'aime sa peau, son odeur. J'aime sa force, j'aime sa douceur, son rire. Il est là de pas et il me manque. Il faut qu'il me touche, il faut qu'il me prenne. Il faut qu'il m'emporte. Et tout ce que tu diras quitterai pas Guilbeault, jamais. Cette déclaration d'amour d'une fille à un homme qui n'est pas là, mais devant sa propre mère, c'est sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, que vous l'écoutez. Nous parlons de Jacques Demy cette semaine et aujourd'hui d'une chambre en ville, en compagnie du critique de cinéma Jean-Marc Lalanne. Quand on écoute ce chant, Alors, on est partagé, et puis chaque auditeur nous dira, entre le sublime de l'authenticité de l'expression des sentiments et peut-être l'espèce de distance qu'introduit ce premier degré, paradoxalement. Mmh. C'est-à-dire qu'on se demande si on n'est pas en train d'écouter une chanson de dessin animé. Il y a quelque chose de tellement naïf et tellement premier degré qu'on ne sait pas trop où se positionner. Oui, je pense que le cinéma de Demy est affecté d'une sorte de boiterie, mais qu'on trouve déjà dans les films de Cocteau, un mélange de, disons, de carrosse et de citrouille à égalité. Et dans l'extrait qu'on vient d'écouter, il y a à la fois cette exaltation qui moi me fait jamais rire, en fait. Je suis dans un empathie totale. Je trouve qu'il y a quelque chose d'immense dans la manière dont le film s'ouvre à une sorte d'absolu du sentiment, et ça me fait pas ricaner. Mais par contre, je ricane à d'autres endroits, et par exemple, le personnage de Dario dans cet extrait, sa manière névrotique d'harceler sa fille, ses conflits mère-fille, ses chamailleries, il y a une dimension vraiment comique, un comique cruel, mais qui fait qu'on rit, on est bouleversé presque à égalité tout le temps, et c'est un peu la folie schizophrénique du cinéma de Jacques Demy, d'être à ce point dans le sublime et le trivial. J'aimerais dire quelque chose sur cette scène aussi. Elle demande à sa fille de dormir dans la chambre de Philippe. Et la chambre de Philippe, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans le film, c'est la chambre qu'occupait le fils de Dario, qui est mort dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. Et à un moment donné, au début du film, Dominique Sanda ne comprend pas pourquoi Richard Berry dort dans sa chambre de jeune fille et préférait qu'il dorme dans la chambre de Philippe, mais Dario refuse de l'ouvrir. Et c'est comme une pièce dans lequel le film n'ira jamais, qui est vraiment le point aveugle du film, la chambre du mort. Et là, Dario est prêt à l'ouvrir pour que Dominique Sanda et Richard Berry ne couchent pas ensemble, mais finalement Sanda va refuser. Donc il y a ce lieu imprenable, et cette chambre en ville, c'est évidemment celle que Richard Berry occupe, mais on peut se demander si ce n'est pas la place du mort. Mmh. Et cette chambre autour duquel le film tourne, sans jamais nous la donner à voir, je trouve que c'est un des plus beaux mystères du film, cette chambre qu'on ne verra jamais et qui est celle d'un homme mort. Et qui préfigure là encore la mort de tous les autres personnages. On y arrive, hein, on arrive au terme de l'émission, donc au terme du film. Vous parliez de ce caractère sublime du premier degré dans l'expression des sentiments qui vous touche autant. Heureusement, parce que la fin du film est vraiment là-dedans. Alors, comme c'est les deux personnages meurent, pour le coup, le premier degré est encore plus lourd, est encore plus pesant. Mais vous expliquez comment cette magie qu'opère Demy, qui fait que même à la scène où ils se rencontraient, Edith et Guilbeault, ça marche. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent, ils ne se connaissaient pas. En trois plans, ils se disent fous d'amour et on y croit. C'est parce que c'est un conteur. Enfin, là, on est dans une dimension qui dépasse le cinéma. Oui, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de réponses qui sont liées à sa très grande compétence de cinéaste, parce que c'est un très grand conteur, parce que c'est un très grand plasticien qui a une puissance plastique dans la manière dont il le met en scène, dans la direction artistique incroyablement originale et inspirée de ses films. Mais je pense aussi plus intimement qu'il y a quelque chose qui a à voir avec sa folie, avec sa capacité de déni de ce qui est raisonnable, de ce qui est l'idée qu'on peut se faire du cinéma en France. Il a imposé un genre qui n'existait pas, la comédie musicale en France. Il y a vraiment cette espèce de croyance en lui, venue d'on ne sait où, qui est qu'il pouvait faire plier la réalité de ce qu'était le cinéma français, la réalité de l'idée que le public pouvait se faire d'un film populaire, pour l'ajuster à son désir. Et je pense qu'il fallait être aussi fou pour imposer des conventions aussi délirantes et que ce soit que ça marche de manière aussi intense. Oui, parce qu'il réalise aussi Podane, dont on n'a pas parlé cette semaine, mais le projet Podane est complètement dingue. Oui, bien sûr. C'est à la fois un conte extrêmement populaire, et dans le film, il y a une malice, une ironie, une fantaisie tout à fait unique. Ouais. Vous êtes prêt à entendre la dernière scène ? Absolument. Bon, alors, quand même une mise au point. Donc, Guilbeault est descendu manifester une nouvelle fois. Il s'est fait blesser par la police. Son corps est rapatrié dans l'appartement de la colonelle, grâce à son ami d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, avec qui il travaille, hein, justement. Dambiel. Dambiel, exactement, qui a un nom à la Émile Zola d'ailleurs. Et on sort de la. Si je peux me dire un mot sur ce personnage, c'est que ce qu'il y a de très beau dans ce personnage, c'est qu'il est le seul à avoir un savoir omniscient à égalité avec le spectateur. Il est vraiment le spectateur inclus dans le récit. C'est-à-dire qu'il sait que Violette est enceinte avant que François ne le sache. Il sait que François va quitter Violette avant que Violette le sache. Il en sait exactement autant que nous. Il prend notre place dans le film, mais il est absolument impuissant. Il ne peut pas du tout empêcher que le drame arrive, alors qu'il a toutes les clés et que de manière inéluctable, il va voir tout ça se réaliser. Et pourtant, vous vous souvenez comment il est décrit On dit, mais ah, c'est l'homme qui donne l'impression d'être toujours en train de sourire. Oui, c'est ce que dit Daniel Dario. Comme si le spectateur, s'il y a une identification, était toujours en train de sourire. Ce qui renvoie à la discussion qu'on a. Mais le sourire de Stevenin, qui est excellent dans le film, est un sourire un peu désabusé. Un sourire un peu triste de quelqu'un. C'est un peu la politesse du désespoir. Mais très doux aussi. Très doux, absolument, très très doux. Bon, voici la dernière scène. Donc, Guilbeault est blessé. Il se retrouve dans l'appartement de la colonelle. Edith le rejoint. Tout le monde meurt. François, comment est-ce arrivé ? Deux flics matraquaient ménager. François s'est jeté sur eux pour le sortir de là. Mais c'est lui qui s'est fait assommer. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Il revient à lui. Il ne faut pas bouger. Edith. Edith. Écoute-moi. Mon François, je suis là. François, j'ai tant besoin de toi. Tu sais bien que je t'aime. Ne m'abandonne pas. Edith. Edith, je vais mourir. Non. Tu ne mourras pas, un docteur va venir. On te soignera, tu verras. Edith, parle-moi, où es-tu ? Je ne t'entends plus. Pour moi, mon amour, tu vivras. Edith, ma vie. François. Oh François, mon amour. François. François. François. François. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Edith, ne fais pas ça. François, mon amour. Et c'est elle qui se tue avec ce coup de feu. Ça vous émeut toujours autant, Jean-Marc Lalanne, cette scène ? Ah oui, toujours. Ouais, je la trouve magnifique. Ce coup de feu... On laisse les cordes derrière, hein, allez-y. Ce que je trouve vraiment sublime théoriquement dans ce moment, c'est la manière dont Richard Berry susurre Edith ma vie, c'est-à-dire que tout à coup c'est de la parole parlée, c'est-à-dire qu'il ne chante plus au moment où il bascule de vivant à mort. C'est aussi le système de représentation du film qui passe de l'autre côté et tout à coup Demi réintroduit de la parole parlée, il dit Edith ma vie vraiment en le parlant, et derrière il n'y a plus aucun accompagnement musical et il y a quelques secondes de silence, alors que il n'y a aucun moment de silence dans le film, et tout à coup ce retour de la parole et du silence qui met à mort le film au moment même où le film met à mort ses personnages, je trouve vraiment ça sublime. La musique aussi s'est arrêtée. Ici, Jean-Marc Lalanne, à notre tour, donc, de laisser le... Vous me mettez à mort. Le silence. Non, bah, ce serait à vous de vous tuer. Dans ce cas-là, je n'oserais pas le faire. Et je suis content que ce soit pas le cas, car grâce à vous, on a pu parler de ce film et terminer cette semaine sur Demi avec vous. Un grand merci à vous. Merci à vous. Et sur France Culture, les chemins de la philosophie, le silence ne dure pas longtemps. Pas à cette heure-ci, en tout cas, car il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour votre journal de la philo, vous nous parlez d'une intellectuelle peu connue. Mais oui, est-ce que vous connaissez Voltairine de Clare ? Pas du tout. Alors ce sont les éditions Luxe qui vont vous permettre de la découvrir avec ce recueil de textes réunis sous le titre de « Écrit d'une insoumise ». Alors rien à voir, je le précise tout de suite, avec le parti des insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Voltairine de Clare, née en 1866 dans le Michigan et disparue en 1912 à Chicago, était une poétesse et essayiste, pionnière du féminisme, et son grand parti à elle, c'était l'anarchisme. De vos compagnons de misère, l'heure est venue. Il faut nous révolter, que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosophie. De beaux, vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher. Moi aussi, je continue en chanson. En effet, à quelle cohérence. Donc, Port Voltairine de Claire, tout commence en mai 1886 avec la pendaison à tort de 5 anarchistes à Chicago, ce qui en fera des martyrs. Et après moult recherches et rencontres qu'elle fait avec des anarchistes, elle le devient à son tour en 1888. Mais en cette fin de 19e siècle, ses revendications en croisent une autre, celle du féminisme qui réclame alors le droit de vote pour la femme. C'est donc tout naturellement qu'en devenant anarchiste, Voltairine de Claire devient aussi féministe. Enfin, tout naturellement, si je parle de Voltairine de Claire aujourd'hui, c'est pour vous la faire découvrir, mais aussi pour questionner ce rapport entre anarchisme et féminisme. Est-il si évident et naturel? Alors on pourrait dire que le principe anarchiste d'autogestion suppose d'une certaine manière un féminisme avec la reconnaissance d'un statut juridique égal à celui de l'homme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'interroger le lien entre la prise en compte d'une partie de la société avec sa réorganisation totale. Comment la transformation totale de la société, que voudrait l'anarchisme, pourrait-elle passer par la prise en compte d'une de ses parties, femme ou autre? La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote. No pueden caminar por causa de sus bigotes. Alors encore une autre chanson. Tout ça pour dire que... Pas de commentaire, Géraldine. Non mais vous allez voir le rapport. Donc une centaine d'écrits, poèmes, nouvelles, conférences, essais, traductions et recensions dont on découvre des extraits ici dans ce recueil, mais aussi des actions, des rencontres, des manifestations. L'engagement anarcha-féministe de Voltairine de Claire n'a jamais faibli. Je dis anarcha-féministe parce que c'est dit ainsi dans la présentation du livre. Et chaque événement politique a été l'occasion pour elle donc de s'engager, qu'il s'agisse de l'assassinat anarchiste du président McKinley en 1901, de l'institution pénale qui enferme les individus, et donc, voyez le lien, de la révolution mexicaine de 1911 qui l'a complètement passionnée. Alors à chaque fois, elle se trouve travailler cette relation politique de la partie au tout, mais comment? À la lecture des textes qui nous sont donnés ici, on pourrait souligner deux choses. Et la première, c'est celle-ci. C'est la condamnation par Voltairine de Claire de l'empressement avec lequel l'opinion publique, le tout, prend parti et se conduit uniformément. Dans son texte « Pourquoi je suis anarchiste », elle dit ainsi très bien comment elle avait, je cite « elle, une grande soif de se libérer des conventions vestimentaires et langagières, des us et coutumes. Les navires faibles et les esprits gouvernent, ils dérivent, et où ils ne savent qui les pousse, mais de tels vents ne soufflent pas ici, et de telles choses ne croissent pas ici. Le mariage est une mauvaise action, l'esclavage sexuel, pourquoi je suis anarchiste? Voici quelques-uns des écrits de ce recueil où tout se mêle citations de poètes. Ici, on vient d'entendre Swinburne, qu'elle affectionne tout particulièrement, critique des conventions et prise de parole à la première personne. Et cet usage du jeu, c'est la deuxième chose qui frappe quand on lit les textes de Voltairine de Claire. Elle dit tout en son nom, soit la revendication de la partie individuelle face au tout qui dérive. Mais alors, comment ne pas voir à travers cette condamnation de la masse et cette valorisation individuelle, une lutte entre le tout et la partie, entre la société et l'individu, la majorité et les minorités? Alors il faut le dire, Voltairine de Claire n'a que faire de cette opposition. Elle soutient coûte que coûte l'individu, mais en revanche, ce qui peut l'intéresser, c'est la transformation encore de cet individu, de ses idées, ce qui pourra permettre peut-être ensuite, un à un, la transformation du tout. Eh bien, merci pour cette découverte, Géraldine. Victorine de Claire gagne à être connue. Et la découverte de ce prénom aussi. Victorine, tout à fait, tout un poème. Son père était fan de Voltaire, c'est pour ça qu'il l'a appelé Voltaire. Mais il voulait un garçon, donc Voltairine. Il l'aurait appelé Voltaire, ça avait été un garçon. Exactement. Donc on l'est bien sorti finalement. Alors le titre du livre, c'est Écrit d'une insoumise et c'est paru aux éditions Lux. Ce sont des textes réunis et présentés par Normand Baillargeon et Chantal Santerre. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec David Pargamin, Isis Jourda, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à Nicolas Berger qui a réalisé cette émission, Yanis Joudad qui était à la prise de son aujourd'hui.